Non! J'avais demandé d'arrêter sournoisement, un peu comme la brebis égarée qui cherche le tigre, parce que les gens s'imaginent, il faut pas le mentionner maintenant. Ben, allez-y, mon frère, monsieur. C'est parce que dans tous les documentaires, les documentaires, ah, les docu, avez-vous syntonisé la bonne... Oui, on l'a. Do. Hey, c'est quoi ce micro-là? C'est un micro-sillon. Ah, ben là, c'est un micro-sillon, c'est pas ça qu'on veut, c'est un microphone. Un microphone, ben, microphone. Pas sirose. Pas... Ah, un micro-sirose. Aïe, donc. Oh, j'ai mal au micro-sirose. Oh! C'est le troisième micro en bas de la bière. Ah, t'as oublié d'enlever le bouchon, Jean-Marc. Aïe, donc. Des capsules. Comment tu veux faire? On va t'oublier de faire une autre... On a une opération! Comment ça? On va t'opérer! Pourquoi? Parce que t'as le bouchon fermé! Ah, il faut le bouchon ouvert! J'enlève vite! Amène-le aux soins intensifs! Impasse-le pas, mais pas de pansement! Amène-le directement à la salle d'opération! Je me suis trompé, c'est la folie purieuse! Plurieuse, pluriel! Pluriel singulier, troisième groupe, troisième doigt! Hé, monsieur, amenez tout ça là-bas! T'es un malade! Toi, t'es un malade! Ah ouais, débouchez-le! Ouvrez-le, puis on va le déboucher! Troisième vertèbre, deuxième branche! Deuxième... Attends, c'est moi l'incompétent! Monsieur le popo! Toutes les popolis! Ma popolis, moi, la police! C'est, ils nous l'ont amené, ils ont dit troisième bouchon, mais lequel troisième bouchon? Êtes-vous compétent, la police? Non, c'est pas compétent, c'est un monde. Ben, en fait, c'est pas compétent. Oui, mais pas là-dedans. Mais, les fabulanciers, là, arrêtez de fabuler. Ah, il va mourir. Il mourra pas! Il y a des soins hospitaliers au Québec, faut payer. Alors, monsieur, vous êtes... Aïe, non, ils m'ont dit qu'il y avait le bouchon fermé. Vous avez le bouchon fermé? Il faut... Ça coûte 25 $ pour l'opération. Aïe, non! Oh, j'ai pas de 25 $. T'as pas de 25 $? T'as pas de 25 $, puis tu veux te faire opérer à Québec? Voyons donc! Si t'as pas d'argent, tu vas crever, mon sang génie! Si tu savais pas, t'as pas d'argent, tu crèves au Québec! Depuis le 30 mars 2010! En 2010, t'as pas de maudite scène, puis t'es malade, tu vas mourir! On n'en veut pas de malade au Québec, on veut du monde en forme! Crève, mon sang génie! Tu vas arrêter de payer, puis on va arrêter de payer pour toi! Aïe, donc, j'ai troisième bouchon, t'avais arrêté! Arrête de boire! Je bois pas! Comment ça qu'il y a une... Hey! On est des gens incompétents, nous autres, au Québec! On a des docteurs, on a des premiers ministres, on a des sinistres, on a des sang génies, on a des popos, on a des abus, puis on a tout le monde! Tout ce monde-là, c'est pas des crétins. Ah ouais, ils m'ont dit que c'est troisième bouchon. Ben, tu m'avais dit que tu buvais pas. C'est quoi ce bouchon-là? C'est un bouchon de toilette. Hein, ça... Hey, là, on rentre dans tes fantasmes les plus profonds. Là. Qu'est-ce que t'as fait avec ce bouchon de toilette-là? J'ai voulu la déboucher. Qui ça? Ma femme. Oh! Votre femme était bouchée? Ah, oh, plus que bouchée. Bon... Puis là, comment ça, là? À l'intérieur de vous, on y retrouve une bouteille. Bon, ben là, je sais pas. Ben! Avez-vous 25 $? Oh, il n'y a pas 25 $! Vous allez mourir! Pas d'argent! On soigne pas, nous autres! Tu vas crever, mon esprit! Ah, tu vas mourir! On peut-tu... Hey, filme... CNN, le filmez-moi ça, ce Québécois-là qui va mourir en direct, le garde. C'est pour le montrer aux toutes les autres crétins de Québécois qui fument, qui boivent, puis qui sont pas en pleine forme, là, qui vont crever sous les... s'ils payent pas. Ils ont pas d'argent, ils vont mourir. Ah ouais, filme. Aïe, aïe, ah ouais, gros plan. Aïe, ah ouais, filme, gros plan! Hey, tabarne, hey! Si tu peux zoomer là, vers le bouchon, c'est la troisième vertèbre au niveau de la bouteille. Aïe, aïe, aïe, aïe, ouais, film! Oh, il va mourir, c'est là, sans dire. Oh! T'as-tu 25 $? Non, je vais pas 25! Tu vas mourir! Crève! Oh! Le 1er avril 2010, c'est le premier imbécile québécois qui meurt parce qu'il n'y avait pas 25 $ pour se faire soigner. Bienvenue! Où est-ce qu'il est, Renald? Où est-ce qu'il est? Ben, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, c'est moi qui anime l'émission. Ben ouais, mais là, hey, on avait besoin d'urgence. Mais j'étais pas là. Moi, dans ces cas-là, je suis. Je m'absente. Tu t'absentes parce que? Parce que je suis un être. Un être. Un être suprême. Oh! Le nouveau Dieu! Non. Non, pas le nouveau. Oh! Il se prend pour Dieu! Non. Je me prends pas. Il est Dieu! Je n'ai Dieu que pour elle. Devant le micro et les bandes audio, il y a l'idiot. Bien branché sur la provoque, le déjanté de service dévisse les mots et laisse exploser les idées aux quatre coins de l'absurdité. Il cherche seulement à susciter l'incongruité. Mais qui? L'incongruité. Allez, attention! Wow. Dictionnaire, l'incongruité! L'incongruité! Oui. L'incongruité. Oui. C'est haïtien? Non. Non, ça vient de Molière. Molière, tu sais ce que... Premièrement, Molière disait... Oui. Devant toutes les amies Facebook féminines de Rénal Gagné, sans aucune gêne, il balançait avec beaucoup d'amour cette phrase... Ah ben, dis-le! Ben, je vais hey, ouais, ouais, il n'y a pas de... Ouais, dis-le! Ouais. C'est le chaos, là. Peut-être que c'est l'hommage à Gainsbourg, je sais pas. Est-ce que c'est l'hommage? Est-ce que... On sait pas. C'est le dommage. C'est pas dommage, c'est l'hommage. Ah, ben là, on va en parler tantôt. De... Ah, ouais, ouais, c'est vrai, on vole la mèche. Arrête de la voler, allume! Allume quoi? La mèche! OK. Je me croyais mèche, mais je ne suis que suif. Ça, c'est Jacques Brel. Susciter l'incongruité. Je ne sais pas l'incongruité. Incongruité, comme disait Molière. Molière. Toutes les filles de Facebook qui sont branchées sur une aile gagnée. Molière dure aujourd'hui. Tu t'en vas où cet été? En France. Ah, t'allais dire où? En partouze. En partouze avec... Toutes les filles de Facebook, bon, la cour, ben non, qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'ai dit, je me bouclerai la bouche. Et la bouche. Il n'est pas parti, bouche? Ouais, ouais, là, aujourd'hui, c'est l'autre. Le qui? Obama, là, je dirais Obama. Oh, vous avez raison. Alors donc, seulement susciter l'incongruité. Là où les normes s'arrêtent. Il les repousse pour en faire un montage difforme, étrange, en dehors de tout classicisme prévisible. Il nous cible rien, mais il atteint tout. Oh, monsieur, pourriez-vous reprendre la fin? C'est merveilleux. Oui, vous trouvez? C'est, je trouve que... Que? C'est une perle rare. Ah, oh, je pensais que c'était... En 68, 69, 69. C'est toujours mieux 69. Je croyais que c'était Brigitte Bardot, la perle rare. Ouais, mais aujourd'hui, c'est... C'est ça. OK! Là où les normes s'arrêtent, il les repousse pour en faire un montage difforme, étrange, en dehors de tout classicisme prévisible. Il ne cible rien, mais il atteint tout. Arrête donc les liaisons qui ont pas... Ouais, c'est des liaisons dangereuses. Très dangereuses. Très, très, très dangereuses. Monsieur le Président... Messieurs les protos catholiques... Madame les voluptés... Et vous, chers résidents et résidentes impudiques... Bienvenue! Bienvenue! Bienvenue! Non, on la refait pas. Bienvenue! Arrête mon nez! Éric, là. Bienvenue! Dans ma demeure, bienvenue à mes amis. Bienvenue, quelle que soit l'heure. Le couvert est toujours mis. Quatre murs, tout en bois. Et au ciel, j'ai pas dit ça va. Ce sera pour qui veut, pour qui veut la maison du... La maison du... Du père Lustigru qui lui a répondu avec la mère Michel, vous êtes pas perdu sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-yali tra-tra-la-la. C'est la mère Michel qui a perdu sa chatte. C'est pas vrai, comment on va le faire pour... On sait pas. Chut. Et qui frappe à ma fenêtre? Pourquoi? Parce que je suis un voleur de chatte. Oh! Il est des nôtres! Il a trouvé sa chatte comme les autres! Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs pour un temps illimité. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse, qui télécharge mes émissions. La Gestapo... Qu'est-ce qu'il y a? C'est la bouteille des bouchonnés! Arrête, c'est fini! Qui télécharge? Tu vas mourir, t'es mort, toi! Oui, mais je suis le fantôme. Ah non, on n'a pas des fantômes à Errance Rénaldienne. Il fallait juste ça pour détruire toute cette structure qui avait de l'essence. L'essence a augmenté aussi. On le sait! Le budget nous coûte cher au Québec! Restez chez vous si vous n'êtes pas Québécois! Vous allez payer pour nous, pauvres crétins! Okay. Crétins! Crétins! Crétins! Nous sommes des crétins! Qui ça? Les Québécois! Pourquoi? On fait rien! On fait rien. On déplie, puis on paye, puis on se ferme la gueule. On parle entre nous, hein? Dans des petits restaurants, dans tes endroits fermés, clos. Puis on se dit, c'est épouvantable. Tout augmente, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ils parlent entre eux en buvant du café. Oh, le café est bon. Le café est trop fort. Ils réajustent pas. Bon, mais s'il est fort, pourquoi il réajuste? Normalement, lorsque... on augmente la caféine. On diminue l'état mental d'un Québécois moyen colonisé! Ah oui. Alors, on s'excuse. On s'excuse infiniment. Qui télécharge mes émissions? La Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. À quoi bon faire cette émission si elle ne se rend pas ridicule, librement inspirée d'une citation de Virginia Woolf? Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. 2 heures et plus à travers l'errance, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinéraire engagé, rénal gagné. L'heure est venue, l'heure est venue. Non, l'errance complice. On parlait pas dans le micro tantôt. On nous entend. On nous entend pas très bien. Parle dans le micro. 1, 2. Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends, malheureusement. Comment ça, malheureusement? Je vous entends. Malheureusement? Malheureusement. L'errance complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Aujourd'hui, le samedi 3 avril 2010, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction, oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire « Il parle trop vite, le mec, il parle, on comprend rien !» Articule! Ben là, j'articule, là. Moi, je peux pas articuler plus que ça. J'ai 43 dents et 2 ans et demi d'âge mental, donc j'essaie de faire ce que je peux avec toute l'articulation intégrale qui me parvient au cerveau et qui m'amène jusqu'à la bouche des mots incorrects. On n'a rien compris. Nous placerons cette semaine sous les projecteurs le magicien. C'est quoi donc, Virginia Woolf? À quoi ça sert si on ne le salissait pas? Elle parlait-tu de sa poitrine? Non, arrêtez, on parle pas de ça ici. Attendez. Balancez. Où attendez les balancez. C'est quoi? Virginia Woolf, elle est nous, Virginia? Il n'y a plus de de vierge en Virginie. On le sait, ça. Attendez un petit peu, toi là, repose-toi. Je me repose. Repose en paix, oui. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, ça a été fait. Alors, nous plaçons cette semaine sous les projecteurs le magicien des mots et de la provocation. Ça doit être ça qui me... Cher à l'errance rénaldienne, Serge Gainsbourg, on fêtait hier, le 2 avril, son anniversaire. Serge, sincèrement, on s'arrête une minute, je crois. Non, je crois pas, je suis sincère. Est-ce que tu es sincère? Comme dans les une église. Alors, bonne fête. Une minute de silence pour Gainsbourg, ça vaut la peine. On oublie tout. Ici, Gainsbourg, une vie héroïque, sort la journée de sa naissance. Très peu de gens le savent. Peut-être que les médias en feront un écho. Si eux-mêmes l'ont appris. Sinon, ben, ça sera Anonymous Prépus. Et Anonymous Prépus, ben oui, ça veut dire coupé dans tous ses états. Coupé dans tous ses états. Comment? Prépus. Prépus. Prépus. Prépus. Arrête, là, je fais une minute de silence pour Gainsbourg. OK? Il en fait trop. Il en fait jamais trop. Comment ça? Il en fait jamais trop. Il m'aime trop de quoi? Il a éternué après une minute. Mais c'est Serge qui m'a chatouillé le nez avec sa plume d'ange. Voyons donc, Gainsbourg, c'est pas un ange là-bas. C'est quoi? Là-bas où? Là-bas nulle part. Là-bas nulle part, c'est quoi? Ben, c'est un abat. Un abat! Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour d'une œuvre du cinéaste Jules Carle, La mort d'un bûcheron, réalisé en 1973. La mort d'un bûcheron est un drame québécois réalisé en... En 1997? Non, en 1973, par Jules Carle. Il met en vedette le musicien Willy Lamotte dans le rôle titre du bûcheron. Ce film fait aussi appel à des comédiens et comédiennes tels que Carole Laure, Denise Filiatreau et Daniel Lelong. Pas Lelong. La longue. Pas la longue. Ah, elle est longue. Non, c'est Pilon. Pilon. Pilon sur son orgueil. Il expliqua dans une entrevue, Jules Carle, que le western est une composante importante de ses films. Il a été très souvent influencé par les sonorités qui ont bercé son enfance. Selon le cinéaste, le western se définit comme la vraie musique du pauvre. Maintenant, laissons la chance aux chansons et attendons la montée improvisatrice des mots faire son entrée et en avant, hein, le sublime générique. Vous pouvez danser à la maison, hein, si vous sentez des pas vous venir aux pieds. C'est le moment, car la folie a une place pendant 2 heures et plus!

Le temps d'une chanson, le temps de dire je t'aime, le temps d'une chanson. Et moi, j'ai appris cette semaine que Michel Fugain allait reprendre son Big Bazaar au Québec. Big Bazaar au Québec. Il y a également un Big Bazaar, si on regarde l'actualité rapidement, parce que je ne voulais pas en parler, mais comme j'ai les souplis sous la plise, toujours M. Rapaille. Qu'est-ce qu'il dit, M. Rapaille? Mais M. Rapaille, la fin de l'histoire, presque la fin, mais ça a fait que commencer. Ce n'est pas fini, ce n'est rien qu'un début. La bombe exige des explications sur le CV de Clotaire Rapaille car il nous a passé un beau colonisé québécois, canadien, français d'Amérique. Non, mais Rapaille, s'il dit, hey, on a devant nous des imbéciles notoires. Des petits qui s'imaginent, ah, je suis la France, je connais tout. Hey, on va payer pour ce gars-là. S'il y a des verres fumés, il connaît tout, il y a de la connaissance générale. Il y a un bon français. Hey, quand il nous écoute, il dit pas, hey, vas-tu me dire? Vous allez me dire, hein? Hey, alors donc, nous autres, on est des quoi? Des crottés. Qu'est-ce qu'on fait quand on est des crottés? On se plie. Quand on plie, on prie. On prie, si, ben, premièrement, ça coûte pas trop cher. On se dit, j'espère que le français nous emmerdera pas longtemps puis qu'il nous coûtera pas trop cher. Normalement, c'est... Ah, ça nous coûte la peau du cul, la peau des fesses. Ah. Et puis le rapport, il y avait les mots pour le dire, là. Oh, monsieur Labeaume, je sens en vous l'être qui embaume le Québec, la ville de Québec. J'ai dit, hey! Pas moi, j'embaume pas, j'espère d'embellir. Oh, vous embellirez si vous me chargez. Charger, c'est un anglicisme, le charger. Non, c'est charge. Prenez-vous la carte de crédit, monsieur Labeaume. Non, que de l'argent comptant. Et ça compte. Ça compte énormément. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que les cocos labos. Les cocos laboratoires, les cocos labos. Hey, y en a-tu des cocos labos? Y en a trop. On se laisse baiser. Par devant, par derrière, par dessus, par dessous. T'il a point plein de poils partout. Normalement, il n'y en a plus de poils, hein? On coupe tout. De partout. Je vais aller vérifier ça au mois de juillet, là, si on coupe tous les poils. Et je vous reviens avec tout ça. Un diagnostic rénalien. Comment ça? Ben, je vais éplucher la française. Ah! Oh, comme la carotte. Et la carotte sera très active. OK, alors... Ils voudront pas te rencontrer. Eh où la feuille? Elle est partie. Ils veulent pas que je parle contre ça. OK. Alors donc, elle est partie. Elle est partie sur le Québec. Ils me laisseront pas rentrer aux douanes. J'ai peur qu'on devienne la risée du Québec. Ça, c'est le maire Labeaume, notre maire de Québec, qui a la chienne. Il a raison. Ensuite de ça, une autre coupure. Ça, c'est dans tous les journaux québécois, là. Hein? Montréal, Québec. La bombe retient son chèque. Attendez. Le chèque de monsieur, là. Monsieur, le psychanalyste. Celui qui connaît. Qui connaît tout. Ce qu'il faut savoir de la psychanalyse, c'est merveilleux, là. Freud, là, me disait récemment... La psychanalyse, oh, je la connais. Non, les gens qui adoptent cette doctrine vont me dire, c'est facile, Reynald. C'est facile de jouer cette carte-là. Mais je ne la joue à peine. Je l'ai juste effleurée, comme on le fait sur le cheveu doux de Marilyn Monroe. Hey, qu'est-ce qu'elle t'a fait, Marilyn? Elle est Monroe. Elle est quoi? Elle est trop Monroe. Elle est trop Monroe, comme un jeune. Ah, les jeunes disent ça. Hey, c'est trop, hein? C'est quoi? C'est trop beau. C'est trop bon. C'est trop cher. C'est toujours trop cher. De plus en plus cher. Continuez à payer. On vous aime de même. Bon, ensuite de ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, elle est revenue. Ah oui. J'ai peur d'être la risée. Bon, la risée a eu raison. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il dit? Le vrai fumiste n'est pas Rapaille. Et le journaliste Yves Boisvert de la presse a entièrement raison. Moi, là, exemple. For example. T'as-tu des ampoules? Des ampoules. Avez-vous des lumières? Non, on n'est pas des lumières. Comment ça? On est des Québécois. Oh, les veilleuses! On est des veilleuses. Mais on aime bien veiller tard. Vous veillez tard? Très tard. Plus que les Français. Les Français, ça dort. Après deux heures, là, tu réveilles un Français. Mon pastis. Le Québécois, ça va manger de la poutine et in vitam aeternam. La poutine, là, c'est de la frite. Fromage sauce. Alors, une rangée de patates frites, comme en Belgique. Hein? Les frites de Belgique. La sauce brune du Québec. Rita, je donne de la sauce brune depuis trois jours. Moi, je pense que je suis malade. Ah ouais. Donne de la sauce brune. Et du fromage. Mais le fromage en dessous des patates frites et la sauce brune par-dessus parce que ça fait fondre le fromage. Et comme ça fait jouir la patate. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il dit sur la patate? Ah, j'ai la patate en l'air, la patate au lait. Ah oui, on parle de Gainsbourg. Et il rappelle, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on continue avec Gainsbourg, c'est pas grave. Dans la peau du grand personnage, Gainsbourg, vie héroïque. Hey, les publicistes de ce film-là, là, bravo. Vous êtes des grands génies. Si à un moment donné, j'ai un livre à lancer, je ferai affaire à vous, avec vous, et grâce à vous, j'en vendrai in vitam aeternam. Comment ça va? In vitam aeternam. Ça, c'est jusqu'à la fin de mes jours. Oh! Ah oui, ce sont vraiment des gens qui fonctionnent, qui roulent. En France, à Paris, la publicité, à Québec aussi, au Québec, au télévision. C'est très rare qu'un film français fait de la pub à la télé. Et ce film-là en a fait. Alors, Rapaille sur la corde raide. Eh oui! Rapaille, il le montre devant si les gens regardent ailleurs qu'à la radio. Mais si vous nous voyez à la radio, là, tournez-vous à 95 degrés de votre ordinateur parce que c'est pas à la radio. Bien, ça dépend où. En Belgique, c'est à la radio. À Québec, c'est encore sur Internet. Et on espère aller sur des... Avec cette émission-là, ça ne fonctionnera pas, vous êtes certain? Ah, je suis très certain. L'anarchie au Québec, ça ne fonctionne pas. Ah, ben peut-être à Montréal. Oh, CIBL, peut-être, mais ça sonne pas fort. Non, parce que... Ah, c'est réactionnaire. Puis surtout, il y a une autre radio coco à Québec qui a bouchonné l'errance rénaldienne et qui fera la semaine prochaine... Un radiocon. Non, c'est un radioton. Un radioton. Et nous? Et nous, un radiocon! Oh oui, on a les budgets. On a le budget parce qu'on a besoin de l'argent, nous. Et l'autre radio? Ah, la radio. Toi, c'est ton émission? Oui. Indépendante. Et radiocon? Radiocon, elle est constrictée vers la déchéance et... Tu dégonfles? Non, c'est la radio qui dégonfle. Laquelle? Celle où j'étais. Alors, Rapaille sur la corde raide. Ça vaut pas cher. Quoi, Rapaille? Non, la radio où j'étais. Alors donc... Non, ça sent la... ça sent la quoi? Ça sent le cadenas. Ah, pas le cadenas! Le meilleur cadenas du monde. Celle que l'on aime. Celle de la... De la médiocrité. Oui! Ah, ben là, pour la médiocrité, t'as bien raison. C'est le radio qui aura lieu quand? La semaine prochaine. À quelle station? La station où l'errance rénaldienne n'est plus. Alors, on dit de donner de l'argent? Ben, donner de l'argent si vous trouvez les émissions que vous entendez actuellement intéressantes. Sinon, s'il vous plaît, soyez intègre avec vous-même. S'il manque quelques jalons à votre divertissement radiophonique, ben restez chez nous puis coupez, boycottez l'autre. Le maire exige, il faut arrêter ce cirque, dit le conseiller Bussière, le conseiller bien sûr du maire. Alors, la vie est un grand cirque, une parade tragique, et nous sommes les clones. Et on termine avec... on devait même pas faire une actualité là-dessus. À quelle heure on meurt? Ah oui, ah oui, ah oui, sur Iggy Pop. On continue là-dessus, là, on va en parler plus tard. Maintenant, c'est le docteur Guiritou. OK? C'est le docteur Guiritou qui a un remède à tout. Tout, tout, tout, tout. Est-ce qu'on peut faire un... Oui, on va faire un truc radiophonique si vous nous écoutez autrement que sur des bandes audio. Si c'est des vidéos, vous n'en tirez même pas l'effet. C'est le docteur Guiritou qui a un remède à tout. Tout, tout, tout, tout. C'est la même chose qu'au début. Ben oui, tu nous écoutes devant la caméra, toi. C'est de l'enregistrement audio qu'on fait, nous. Alors, avons-nous le docteur Guiritou? Ouais, c'est moi, c'est moi. Vous avez changé depuis... Ah, ben ouais. Nous sommes trois docteurs Guiritou. Je suis membre d'un triplex. Un triplex. Très triplet. Plus on triple, plus on triplette. Alors, moins on triple, moins on triplette. Oh, les triplettes de Belleville. De la Belleville de Québec. Un, deux, trois, quatre... Québec! 1, 2, 3, 4, 1, Québec! Si j'avais l'exemple, si j'avais l'exemple... Hey, Robert Charlebois est rentré dans le panthéon du pantalon qui cherche la fermeture éclair et qui ne peut plus sortir par la... Par la poche. Par la poche, car ce n'est plus une... Une poche. Non, voilà. C'est un Québécois qui a réussi dans la vie comme tous les grands tartistes. J'aurais voulu être un tartiste pour tous les jours changer ma peau et pour pouvoir me trouver beau devant un écran HD DVD 75-98-250 pixels, autant de pixels que de gonzelles. Il n'y en a pas de gonzelles dans la pixel. Ah mon Dieu, il n'y a que des observateurs des Big Brother. Comment faire pour éviter ça? C'est Dr Guiritou. Dr Guiritou, c'est Dr, vous avez changé de registre? Ben, c'est parce que je suis au bar depuis 44 minutes. Oui. Et on m'a servi quand même. C'est gratuit. Oui. C'est gratuit. Oui. C'est... Oui. C'est... A-U. C'est quoi? C'est... Gratuit. On m'a servi 5 verres d'eau. De l'eau... De l'eau distillée. C'est pas distillée. C'est... Est-ce que c'est distillé? Qu'est-ce que vous faites? Je tente de m'oxygéner. C'est le cerveau, hein? Que ça tape le cerveau. Ah, ça tape. À... J'entends taper pendant longtemps. Claude Tungaro aussi. Ah, c'est monsieur. Comment faire, Dr Guiritou? Non, c'est le Dr Guiritou. Oh, qui a un? Qui a un remède à tout. Oh, OK. Alors, comment faire pour éviter la crise cardiaque? Bonne question. OK. Comment faire? De un, se reposer. Se reposer. Le nerf. Ben, c'est le nerf sciatique. Hein? Alors, donc, c'est composé entre la carotide du sud et la carotide du nord. Et dans le milieu, c'est la caro... C'est la caromilio? Non, c'est le carrément ça. C'est le carrément ça. Vous caressez le carrément ça en montant vers la Caroline du Sud et en descendant vers la Caroline du Nord. Vous étirez la Caroline du Sud et la Caroline du Nord et la carotide du milieu se place comme par merveille. Hey! Merci, docteur Guiritou. Le chèque. Quel chèque? Ben, je viens pas ici pour rien, voilà. Comment ça? La carotide. Ben, la carotide, on s'en tabardait, on s'en calibre, oui, quel nom? Docteur Guiritou, tout. Oh, le chèque de combien de dollars? Ben, le rappel demande combien d'argent? Il en manque trop. Ben, moi, j'en demande moins. OK, alors donc, on est obligé de faire un radio con la semaine prochaine. Radio con, ben, vous nous coûtez cher. Cher? Ben, on n'a pas d'argent. Pas pas d'argent. Hey! On va vous poursuivre. Ben, poursuivez-nous, on n'a rien. Hey, maintenant, allez le bonobo, augmentez la sono et faites cracher le morceau! Vas-y, mon Serge, on t'aime. Des bombes, ça boum, sur boum, sublime. Des plombes, que ça tombe, un monde immonde s'abîme. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around. C'est l'hécatombe, ça retombe, en trombe, ça fume. Tout flambe, les tombes, les temples, exemple sublime. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock les flammes surplombent l'abîme. Que dame, tout crame, tout tremble et tombe en ruine. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around the bunker, rock around, rock around, rock around the bunker, rock around, rock around, rock around the bunker. J'espère que j'ai pas à nommer. Ben oui, il faut nommer. Comment ça? Pour mieux comprendre. Comprendre quoi? Ben, ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas moi-même. Ben, c'est Rock around the bunker de Serge Gainsbourg. Oh! C'est très beau, c'est de la belle mélodie. C'est de la belle mélodie, oui! Est-ce que vous comprenez le double sens? Le double sens de la chanson. La chanson, ben, qu'on a entendue. Laquelle? Rock around the bunker. Tourner autour d'un trou où des gens se cachent. Gainsbourg était? Chanteur. Non. Alcoolique. Hey! Écrivain. Oh! Provocateur. Hey! Oui, tout ça en même temps, mais aussi... Aussi, aussi, aussi quoi? Aussi grand que ce que vous avez nommé, mais en plus. Oh mon Dieu, pas en plus, pas en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Un Gainsbourg en plus, il faut-tu nettoyer ça dans la lessive? Lessivons Gainsbourg dans la pluche. Et monsieur, et en plus, on l'aime. Oh mon Dieu, qu'on aime cette tête. Oh, on l'embrasse. Mais c'est difficile. Pourquoi? Ben parce que je dois relater quelque chose. Comment ça? On demanderait à Rénal Gagné d'Errance Rénaldienne de joindre l'émission. Rénal, oui, il est Rénal. Je pense qu'il est en train de manger des petits gâteaux. Lâche les petits gâteaux, mon Rénal. Mon... oui, merci. Oui, mais... Un petit bâton. Mais... oui, excusez-moi, oui. Oui, j'étais en train de manger un bon gâteau au caramel. Et en vous écoutant, vous êtes merveilleux, fantastique. Ben, écoute, on fait ton émission, toi, t'es en train de manger tout le temps. Non, non, non, non, non. Ben, en fait, je goûtais hier la sauce à Mme Tremblay. Mme Tremblay, comment ça va, votre sauce? Ah, oh, moi, j'ai la sauce pas mal épaisse. Ah, ben, elle est épaisse. Ah, ouais, Tremblay, tourne, Nato. Non, non, non, non, non. Et, premièrement, comment ça, vous me faites venir? Ben, je ne m'en suis même plus, moi. T'en souviens-tu? Mais c'est pas moi qui va faire. Lui, il va devenir enragé. Comment ça? Qui, ça, lui? Toi! Moi, un enragé? T'es un enragé, t'es un malade. Un malade? Non, mais vous me faites venir pour. Ben, parce que. Parce que quoi? C'est toi qui fais l'émission! Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Dommage, c'est Johnny Cash. Non, c'est pas dommage, c'est Johnny Cash. Ah oui, au spectacle! Au spectacle! On rend hommage ici, à Québec, à Johnny Cash. Et il y a un spectateur qui a dit « Hey, dommage, hein? Dommage! C'est pas Johnny Cash! » Ben non, il a dit « Effectivement! Effectivement, c'est dommage, mais tu savais pas que c'est pas Johnny Cash! Comment ça? » Ben non! C'est hommage à Johnny Cash! Oh! Je pensais que c'était dommage chez Johnny! Ben non, c'est hommage! OK. C'est presque une blague. Non, c'est pas presque. C'est une blague. Oh, monsieur, quelle blague! Est-ce qu'on peut la rire? On va la rire. Est-ce que la Rotary... La Rotary. Oh, la Rotary. Oui, oui, oui, effectivement, derrière l'adage se cache une autre vérité, une clé clandestine qui nous fera entrer dans une seconde zone de l'interprétation, une dimension cachée par les médias formatés. À présent, choisissons comme expression le fruit le plus agréable au monde est la reconnaissance. C'est un proverbe grec. De Ménandre, fragment 15e siècle avant Jésus-Christ. Le fruit le plus agréable au monde est la reconnaissance. Et vous, monsieur Lemieux? Ben, moi, le fruit, que c'est la pêche. La qui? La pêche. Oh, vous allez à la pêche? Non, non, le fruit, c'est la pêche. Oh, avec du poêle. Avec du poêle. Hey, Brigitte Bardot disait... qu'un chat, c'était un cœur entouré de poils. Et vous? Mais ma pêche, moi, là. N'empêche que ma pêche n'a pas de poils, moi. Comment ça? C'est pas une pêche? Ben oui, mais ma pêche, quand j'attrape des poissons. Oui, mais votre pêche? Ma pêche? Ben la pêche, le fruit. Le fruit? Le fruit défendu, c'est pas la pêche, c'est la pomme. Hey, monsieur. On parle pas du fruit défendu, là. Vous me disiez que votre pêche... Oui, ma pêche n'est pas défendue, hein. C'est de la pêche au brochet. Et croyez-moi, au Québec, il y en a du brochet. Au Québec, plus il y a de brochet, plus il y a de pêche. Non, non, le fruit. La pêche avec du poêle. Oui. Est-ce qu'il y en a du poêle dans ta pêche? Ben, pas dedans, mais sûr. Sur ta poêle? Non, sur ma pêche. Sur ma pêche, il y a de la poêle. Hey, écoutez-moi, là. Sur une pêche... Oui, sur une pêche, il y a beaucoup de poissons. Oui, ben sans doute. Mais le fruit... Le fruit défendu? Non, la pêche! On dépêche, M. Tremblay. Alors, la première dépêche dit que le fruit le plus agréable au monde est la reconnaissance. Ça, c'est une dépêche. Oui, dépêche-toi de la dire. Alors, je la redis, le fruit le plus agréable au monde est la reconnaissance. Me reconnaissez-vous, M. Tremblay? Vous êtes qui? La pêche. Le fruit, la pomme, le poêle, la pêche des brochets. Un autre, l'amour de la patrie est plus fort que toutes les raisons du monde. Ça me ressemble pas, ça. L'amour de la patrie est plus fort que toutes les raisons du monde. La raison de l'amour de la patrie est plus fort que toutes les raisons du monde. Proverbe latin d'Ovid. Ovid plouf! Ovid plouf, oui. Non, Ovid machin truc. Ah, lui, on l'aime, le machin truc, parce qu'il y a tellement de machins dans son truc. Oui, oui, trop. Non, il n'y en a jamais trop, mais toujours assez pour nous divertir, comme ces errances rénaldiennes. Bonne émission, bonne écoute. Demandez justement à votre épouse si Tino a l'espérance. Je venais ici de temps en temps. Connaissez-vous Tancred Chapdelaine? Hé, hey, écoute, on les a-tu finis tes graisses d'hot dog? On s'en va. En haut, grouille. Ça fait assez longtemps que j'attends pour manger. Je mange, puis je mange jusqu'au bout. Avec tes pénibles, hein? Et dire que j'ai passé 10 ans de ma vie comme ça dans le bois, moi. 10 ans, tabarnak. 10 ans, coq d'un chantier. Heureusement que j'avais un petit sideline payant. Seule de femme avec 25 hommes. Mm. Puis comment est-ce qu'il est, ton François Paradis? Es-tu beau? Es-tu grand? Comme ça, je les aime, moi. Beau pis grand. Comme ton père. Blanche, t'es sûre que mon père t'a jamais parlé de moi? Non. Ben oui. Oui, justement. Je voulais pas t'en parler parce que c'était un peu gênant, mais... Oui, il m'a parlé de toi une fois. Il m'a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit, donc? Ah, ouais. Il m'a dit un jour, là, quand je ferai bien de l'argent, ma fille, là, j'y ferai voir le monde. Je vais en faire une princesse. Une vraie princesse. Y a-tu ça, une princesse? Ah, ouais. Une princesse. Poutinoir, ça? Thank you.